êtes dans la zone 89.1. Siffle dans tes oreilles. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandra Carignan sera avec nous pour parler d'art et spectacle dans le temps d'une culture. Et on portera nos plus beaux costumes d'Adam, hein, pour parler de sexualité dans Kiki Sexy Time. On va être tout nus, c'est ce que ça veut dire. Assemblage requis tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. J'aimerais bien vous dire qu'on est samedi, mais non, on est mardi. Le 8 avril 2014, je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui. On aurait-tu eu un bon matin si ça avait été samedi, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus délicieux qu'un samedi matin ou dimanche matin? Quand il pleut comme vieux. Ça. Oh. Elle pleut pour point. Oui. Ben oui, on le brûle pour point. Si on veut, là. C'est pas parce qu'on n'est pas samedi qu'on fera pas de jeu de mots, là. Ce gag-là me passe sur le dos d'une cuillère de canard. De canard. Ouais. Charles Patnaud. En tout cas, si on en fait des bonnes, on rigolera. Rigole. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dehors. ça rigole. Ça gourdole. Donc, bonjour, bienvenue à l'émission du matin en pièces détachées. À l'émission matinale, comme certains voudraient dire avec un qualificatif. Aujourd'hui, on a Alexandra Carignan à 9h pour sa chronique Le Temps de Culture. Je suis sûr qu'elle va embarquer dans nos blagues comme elle le fait toujours. Ben oui, certainement. Donc, ça va être en fin d'émission. Avant ça, ça va être que toi et moi ensemble pour, entre autres, Kinky Sexy Time, notre classique du mardi. On se partagera la goutte. Une goutte de quoi? C'était un bout de bois. À bout de bois. À vous de voir, à vous de boire. Faut le boire pour le croire, comme disait la famille Bois Paquette du IGA sur Boulevard. Oui, mon IGA. Oui. On va aussi faire écoutons la chanson. J'ai réservé un petit quiz aujourd'hui musical. Parfait, Mathieu. Comme je les aime tant. Moi, je suis pas prêt, mais il est prêt. Bon, OK. Il me reste juste à trouver le lien entre les trois. Comme toi, je vais jouer. Là. Ben oui, c'est ça. On est tous des joueurs ici. Compulsifs. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui pour Assemblage requis. On l'a dit qu'en première partie d'émission, on va être seul, toi et moi. On va ressembler étrangement, étant donné qu'il y a beaucoup d'eau dehors. C'est comme si on était sur la mer comme deux vikings. Ah. C'est la chanson Two Vikings de Lederhosen Lucille et Kristen Muir. Sur C'est fou. Le nom le plus long au monde. The cover. Vikings. C'est mon compte scolaire. Sur ton compte scolaire. Voulais-tu nous parler de ton chat cette nuit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, le petit maudit. Ouais. Non, mais c'est ça que. Raconte. Starte-moi pas, Mathieu. Là, starte-moi pas. Là. Starte aux pommes. Je commence à avoir une belle, un bon matin. Non, c'est ça. Je disais, bon, quand je me suis couché hier, je savais qu'il annonçait beaucoup de pluie. Je me suis couché vers minuit, demi, peut-être une heure, je me souviens plus, là, vers la fin des élections. Élections. Puis, tu sais, il commençait à pleuvoir. Puis, j'ai comme, ah, demain matin, ça va être difficile parce que j'adore dormir quand il y a un petit bruit de pluie un sur petit ma filet, vitre. Là, ouais, ouais, ouais, j'adore ça. Je me réveille, puis je suis comme, ah, qu'on est bien dans son lit. Puis là, je me rendors heureux, tu sais, avec le sourire en face. Puis, ce matin, mon chat, il a décidé de faire l'inverse. Lui, à 4 heures, il pleuvait un petit peu trop, fait que ça l'a réveillé. Puis, il a décidé, je sais pas pourquoi, de devenir complètement fou. Puis il a trouvé un élastique. Attends. Puis un chat avec un élastique. Je sais pas si en tout cas le tien fait ça. Ça désaxe mentalement. Ouais, pour de vrai, je sais pas qu'est-ce que ça leur fait comme bulle au cerveau, mais il est devenu vraiment fou. Il sautait sous le lit. Puis là, il m'a réveillé, évidemment. Puis là, j'étais fâché parce que je dormais crissement bien. Ouais. Ah, puis là, tu vois, ça me fait sacrer. Ouais, le langage, oui, c'est ça. J'étais familier. Je dormais vraiment bien à ce moment-là. Puis. Ben c'est ça. Puis tu sais, quand tu regardes l'heure, puis tu te dis, ah, tiens, il m'en reste de moins en moins. Ouais. Là, j'ai un peu plus de misère à me rendormir. Fait que là, ce matin, ce que j'ai fait, parce que quand je me suis réveillé, puis qu'officiellement, mon cadran a sonné, lui, il dormait à petits points fermés sur le divan. Donc, je suis arrivé en catimini. Puis j'ai fait. En chatimini. En catimini. Ah oui! Merci, Mathieu. J'en fais sans savoir. Puis j'ai fait faire la peur de sa vie. Ah oh, ouais. Il n'y a plus de hockey, ça, c'est ah, sûr. Ah non, ça, c'est sûr. Il n'y a plus de poils non plus. Il a tout perdu. Ah! Ah, pauvre petit minou. Comment il s'appelle ton chat? Il s'appelle Maurice. Maurice! Salut, Momo. Ouais, il s'appelle Maurice de la Mauricie. Oui. Notre mascotte. Ouais. Nationale. Donc, on a entendu, t'aimes les filets de pluie dehors. Ouais. Tu filais bien dans ton lit. Ouais. T'aimes les filets de poisson. Donc, c'est ce qui nous amène, ouais, hein? À Kinky? Ah, ben, c'est ça. Comme un filet de poisson que tu t'insères, en tout cas. Kinky Sexy Time. Non, faut pas de mauvais jeu de mots de poisson. Tu t'aimes pour dans la craque, c'est vrai. Wow. Ben, l'as-tu déjà essayé? Non, fait que tu peux pas en parler en mal. C'est ça. Tu n'as pas essayé. Il y a bien du monde qui me dit ça. Tu l'as-tu déjà essayé? Non, mais. Ben, avec un petit peu de sauce aux prunes. Avec un petit peu de sauce. Un peu de sauce aux prunes, ça, c'est quand t'es vraiment là, t'es rendu régulier. Là. OK, donc, on est dans Kinky Sexy Time. C'est la chronique qui s'adresse à un public, vous l'aurez deviné, plus ou moins averti. Ah. C'est maintenant qu'on le fait. J'ai épuisé, Mathieu. Après ces blagues de peu de sauce et de filets de poisson dans les fesses. Donc, Commençons par l'Américain moyen qui a des relations sexuelles combien de fois par année selon toi? Moi je dis que c'est. Ok, attends. Ça va être moins qu'une fois. Tu sais, il y a 365 jours par année. Vrai. C'est moins que la moitié. Ouais. Donc 15, 17, 167. Moi je dirais 130 fois. Moi, je serais allé à l'inverse. J'aurais commencé par le nombre de semaines, 52 semaines. Je me suis dit, c'est peut-être pas à chaque semaine. C'est peut-être un petit peu plus qu'une fois par semaine. Tu sais. Ah. Fait le processus contraire. Tu sais. Ben, on arriverait à la même chose, Mathieu. T'as misé combien? 52 fois 2, ça fait 104. Moi, j'ai dit 110. C'est 85, donc t'es proche. OK, mais j'ai overbété. T'aurais perdu le showcase. J'ai overpété. C'était overpété au prune. Au prune. Voilà. Le pourcentage de femmes, en fait, on va aller loin. Le pourcentage de femmes qui ont une tétine en surplus. Additionnel, mamelon, accessoire, si on veut. OK, ça peut pas être plus que... c'est une petite partie. Moi, je dis que c'est en bas de 10%. Ben, une tétine, d'habitude, c'est une petite partie. Mais là, est-ce qu'on parle d'une tétine... une vraie tétine? On parle d'un mamelon. Un vrai mamelon. Okay. Donc, ça veut pas dire qu'il y a le truc autour. Là, OK, fait que moi, je dis que c'est 7%. C'est 2%. Une femme sur 50 qui a une tétine. Je suis encore overbété. Tout le temps overbété, quand même. J'arrête pas de perdre de showcase. Soit un petit peu plus conservateur ben ou oui. Libéral. Je ne comprends pas de ça. De tous les pays, le pays, devine le pays donc, qui dit avoir le plus de relations sexuelles, ils ont 87%, 87% des gens là-bas dans ce pays-là disent qu'ils ont des relations au moins une fois par semaine. Quel pays, selon toi, est le plus macho? Voilà. Moi, je dis que c'est un pays où il fait chaud. OK, oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Oui, tout le temps? Il fait chaud tout le temps? Je sais pas. Non, je pense pas. Peut-être. OK, là, j'hésite entre deux choses, Mathieu. OK. J'hésite entre l'Italie. Oh, okay. Juste pour dire, parce que, tu sais, ils sont fiers, les Italiens. Ils ont le saucisson bien épicé. Oui! Ils ont le pepperoni. Oh, pepperoni. Oui, parce qu'ils vont peut-être gonfler les statistiques en disant, oui, on fait l'amour deux fois par jour. Ils sont comme français un peu aussi. Oui, mais tu sais, j'ai des talents, Mathieu. Oui. Mais c'est pas ça. Pas ça, en imitation. Le pepperoni, par contre. Oui. C'est ça. Puis sinon, un pays peut-être d'Amérique du Sud plus. Non, je pense que c'était plus j'irais dans le premier. Espagne. C'est la Grèce. Ah. Oh. Ben, en tout cas, mon raisonnement était bon. T'avais un bon raisonnement, sans chaud. Ouais, c'est ça. Une Russe, une femme russe, Tatiana Kozevnikova, qui a le record pour avoir levé le plus de poids avec ses muscles de l'entrejambe féminin, 14 kg. Ah ouais, elle a levé avec 14 son, kilos. Mais en serrant, là, comme l'intérieur. Ouais, c'est ça. Hein. Par le. Mettons, elle avait une boule chinoise, mais avec quelque chose qui sortait, puis elle a fait. C'est ça, exact. Ouais. 14 kg. 14 kilos, c'est quand même beaucoup. Je sais pas c'est combien en livres. Hein? En livres. Bientôt, vous allez la voir au GA près de chez vous. C'est elle qui va faire la balance pour les fruits. Moi, je dirais que c'est un bon 16,5 kg. La nouvelle balance parlante. C'est 30 livres environ. 30, oui, oui. 30 livres. Mon Dieu. Ouais. Une activité sexuelle complète pendant une longue période de temps, ça peut mener à une réduction de la grandeur de l'entrejambe masculin. Ah oui, OK. Une inactivité complète. Eh ben. On il dit serait, que... Il se referme sur lui-même en disant comme... Il se recoqueville. Oui, il se recoque. On dit que le plus... ça, c'est n'importe quoi, ça. Le plus haut nombre d'orgasmes vécu par une femme en une heure. Et de combien d'orgasmes en une heure? Bon, ça doit être une... quelque chose de pas possible, comme 1h60 minutes. Oui, en effet, ça, je peux te dire que oui. Est-ce que ça serait allé sur une fois par minute ou un peu plus? Moi, je sais que ça va être plus. Un peu plus. OK, fait que Mathieu, il est vraiment convaincu que c'est plus. Fait que, OK, une fois aux 30 Mathieu secondes. C'est la réponse. Oui, c'est ça. Je vais dire 135 fois, Mathieu. C'est 134, bravo! Wow! Hey! C'est quoi les chances? Recoqueville, man. C'est recoqueville. Sauf que j'ai encore overblété. C'est ça, tout le temps. Et par un homme... Là, t'as la chance de te rattraper, là. Bid 1. Oui, c'est ça. Tu vas gagner. Bid 1. Bid 1. Je voudrais biter, s'il te plaît. Bob Barker, je voudrais biter. Écoute, je te dirais, ça, c'est beaucoup moins, par exemple. Ça va être beaucoup ben moins. Oui, mais ça. Peut-être une fois 5 minutes. Mathématiquement, assez mauvais. Je te dirais, c'est 16 fois par heure. Ben, c'est ça. C'est ça? Non, c'est je, ça sais que pas. Je sais pas. Attends, t'as dit combien de fois? Une fois ou cinq minutes? Ouais, c'est presque ça. Ça serait long à calculer pour moi, ça. Ouh! Combien t'as dit? 16 fois? C'est 16 fois, oui. Ça fait 5, 6, 7, 8. Ça fait 80. Moi, ce que je... Non, de quoi qu'on parle? Je sais plus, là. Moi, je passe à un autre. Oui, un autre appel. Je sais même plus de quoi qu'on parle. Oh, yeah, ouais, bonjour. Oui. L'agalmatophilie. Qu'est-ce que c'est, l'agalmatophilie? Et là, il n'y a pas de L, c'est agalmatophilie. Agalmatophilie? Folie. Folie. L'épicerie. Agalmato. Ça, c'est quand. Tu sais, quand tu te fais des petits bobos, ça fait une gale. Oui. Et puis là, tu collectionnes. Fait que t'as tout un matos. Matériel, matos. Oui. Matos électronique. Oui, c'est ça. Donc, t'as plein de petites gales pis t'as peur de ça. Wow. Non, en fait, galmatophilie, c'est l'attirance sexuelle envers les statues ou les mannequins. Ah. Eh ben, hein. Ben, moi, je suis mannequin. Ben oui, dans tes temps libres. Très, très libre, d'ailleurs. les chercheurs de l'Université de la Californie nous apprennent que les hommes qui aident avec les tâches ménagères reçoivent, ou en tout cas participent à 50% plus de relations sexuelles que ceux qui ne font pas de travaux ménagers. OK, mais ça, c'est peut-être parce que aussi ceux qui font des travaux ménagers sont en couple. Ah! C'est ça! C'est ça! Là, t'es meilleur que l'université. J'ai le doigt sur le bobo. Oui, j'ai le doigt sur le... La gueule, m'attends, Il y a environ 100 millions d'actes sexuels par jour, ce qui veut dire qu'environ 65 000 couples sont en train d'avoir des relations en ce moment partout dans le monde. Là. 65 000! On les salue! Oui. Mais avec nos voix, ça doit être le fun. Hein? Avec nos voix en arrière, ça... Ah oui, c'est ça. Ils nous écoutent en même temps. Mmh. Ça allume, ça. Ben oui. On a un petit filet, là. De voix derrière. Anne Boleyn, c'est la deuxième femme d'Henri VIII, qui avait apparemment trois seins. Selon les rumeurs. Okay. Peut-être un mythe, mais Anne Boleyn, la deuxième femme d'Henri VIII. Qu'est-ce que la pistentrophobie? Pistantrophobie. Mais là, c'est facile. Ouais. C'est la peur de faire pipi trop. Ah, OK. Ça aurait pu être aussi, je veux pistanto. Pistanto, ouais, c'est en trop. En trop. En trop. C'est meilleur, le tien, ouais. Clairement. Donc, c'est la peur de faire confiance aux gens en général, ce qui fait que beaucoup de gens restent célibataires. Donc, c'est la pistantrophobie. OK. T'as peur de faire confiance aux gens. Mm-hmm. Seulement, un homme sur combien, selon toi, est assez flexible pour se donner un plaisir oral? S'auto-donner un peu. S'auto-donner. Ah, misère. Sur un homme sur combien? Oh, ça doit être... un homme sur deux. Si je me fie à mon expérience, c'est 100% les hommes. Bob. Moi, je dis au moins 100 000. Une sur 100 000. C'est une personne, un homme sur 400. Arc! C'est vrai. Arc, Bob. C'est vrai. Beaucoup de gens. Mais considérant qu'on est au moins 10 000 à l'université ici, à l'UQTR. Donc, toi, t'es capable. Puis là, tout le monde l'essaie, puis il casse le dos. Ça va être belle fun. Pas besoin. Les boxeurs, les shorts, là, les boxeurs, pas les boum-boum, paf-paf, les chiens aussi. Les boxeurs ont été inventés par Jacob Gollum, le fondateur de la compagnie Everlast. On connaît Everlast pour leurs sous-vêtements qu'on achète des fois. Qui a créé ces shorts-là pour les vrais boxeurs. Les gens qui font la boxe. OK. Non, pas les chiens encore. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça a été inventé par Jacob Gollum. Eh ben... des bagolins. Des bagolins. À l'époque médiévale, le sang des vierges, okay, on pensait que ça avait des propriétés diaboliques et que ça pouvait rendre un homme infertile, impotent. Impotent en français, c'est comme ça? C'est ça? C'est quoi? En tout cas, c'est comme un genre qui puisse pas lever. C'est ça que ça veut dire. Qui puisse pas lever, ils n'ont pas l'infertilité. Il faut comprendre la différence entre les deux. Mais à l'époque médiévale, donc le sang d'une vierge était diabolique. Ton corps... relâche une hormone antidiurétique quand tu orgasmes, ce qui empêche de faire pipi aussi facilement que d'habitude. OK. Après vous l'aurez la vie. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. Ça prend en moyenne combien de temps à une personne avant de finir par oublier son ex? Jamais. Le temps, jamais. Jamais. Oh, elle a tout beau. Pris. Ah! En moyenne. Un homme? Un homme. Un homme. Non, une personne en moyenne. Ah, OK. Une personne en général. Bon, on va doubler. Parce que la femme défait la courbe un peu, là. Une année, là. C'est 17 mois, 26 jours. OK. Exactement. Exactement. En moyenne. 17 mois, 26 jours. Ça, c'est évidemment avec un ex avec qui ils étaient en amour. Oui. Non, pas juste une personne comme ça qu'on n'aimait pas. Dans un bordel parisien, un homme qu'on appelait un essayeur... Qu'est-ce que ça veut dire, selon toi, un essayeur dans un bordel parisien? Ben, c'est lui qui essayait les filles pour voir si c'était correct. C'est ça, c'est comme pour le vin dans le temps. C'est ben comme oui. Chin-chin. Puis il crachait après. À la place des trucs, c'est juste un chin-chin! OK. Donc, un essayeur dans un bordel parisien, elle vient juste de m'arriver dans ma tête, ça, là. Mais oui. C'est un homme qui... T'aurais aimé mieux pas, hein? C'est un homme qui était employé, donc qui était payé pour... pour toucher aux prostituées et créer une atmosphère pour les clients. Donc, il touchait, c'est comme il créait une ambiance, il montrait que la femme, tu sais, ça était comme excitée un petit peu. Fait que le prochain homme voulait vivre la même chose que l'essayeur. Donc, c'est pas mal la même chose que tu viens de dire là. Moi, je pensais que c'était, mettons, en entrevue. OK. Ou pour voir, tu sais, les augmentations puis tout. Mm-hmm. Ben, les augmentations. De ma mère ou de salaire? Mais les deux. C'est ça. Dès que ça finit en R. Ensuite de ça, c'est toujours quelque chose d'excitant, bien sûr. Les Romains définissaient la prostitution avec trois caractéristiques. C'était bien important pour avoir la prostitution. Trois caractéristiques. Un, c'est pour l'argent. Deux, c'est pour le public. Et trois, il n'y a pas de plaisir chez la prostituée. Ben, OK. C'est ça, de la prostitution. Elle est neutre. C'est un job, oui. Au début du 20e siècle, les catalogues Sears... vendait la Heidelberg Electric Belt, un jackstrap qui envoyait du courant à l'appareil masculin. Un jackstrap. Ouais, un jackstrap qui pognait le... Ben oui, mais c'est parce que... Pourquoi tu... C'est bien... C'est dur, là, ben un jackstrap, dur. Là. C'est fait pour... Pour pas... Hein? Mais pourquoi ça envoyait du courant, ça qu'on se demande? C'est les théories qu'on essaie de sortir. Est-ce que c'était pour... je sais pas... t'empêcher d'avoir des relations extra-conjugales. On s'est envoyé un choc de temps en temps. Finalement, il était juste chauffant. C'est vraiment désagréable. Quoi qu'un jackstrap chauffant, hein? Un peu comme les chars, là, c'est des sièges de voiture. Hein? Ça oui, être, ou un plancher de salle de bain. Ou un plancher de salle de bain. Coudon, ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que ça existe. On est inconsciemment plus attiré par les personnes qui ont les mêmes goûts musicaux que nous. OK. C'est prouvé sur une étude. Les mêmes goûts musicaux. Eh ben. Les femmes ont deux fois plus de chances de souffrir d'insomnie que les hommes. C'est surtout dû au changement hormonal que les femmes vivent, donc avec leurs règles et tout et tout et tout. Donc, deux fois plus de chances d'avoir de l'insomnie. Qu'est-ce que le mot apistia? A-P-I-S-T-I-A. Apistia, tout simplement. Juste ça, c'est simple de même. Ça, c'est quand... tu sais, tantôt, on parlait des prostituées en Grèce. Oui, en Grèce. Oui, ouais, c'est ça. Qui n'avaient pas le droit d'avoir du plaisir. Mm-hmm. Hein, c'était une des trois caractéristiques. Mais dans le fond, la première qui a dit non, ça, je vais avoir le droit d'avoir du plaisir aussi, c'est Cynthia. C'est Apistia. Apistia. Cynthia. Happy Cynthia, OK. Je cherchais vraiment. Happy Cynthia. Okay. Ouais, non, c'est bon. Oui. Non, en fait, je pense que je l'ai fermé tellement que j'étais convaincu que c'était vraiment ça la réponse. Non, Happy Cynthia, c'est pas vrai du tout. Happy Cynthia, c'est l'autre mot pour quelqu'un qui est infidèle. OK. T'es donc même Happy Cynthia. Happy Cynthia, toi. Ouais. Eh ben. Ben, c'est ça, je l'ai dit, c'est Cynthia. C'est ça. La gaspicette. Oui. Un degré de difficulté additionnel. J'ai mis ma main sur mes yeux, là. Ça veut dire que c'est grave. C'est l'heure ça. Est grave. Bitch, please. La science de l'embrassade, de l'embrassage, de l'embrassement, de l'embrasement, de Hunger Games, l'embrasement, c'est la philématologie, donc la science de l'embrassement. Le terme cabaza, K-A-B-A-Z-Z-A, tu me dis si t'as quelque chose, sinon je passe directement à la définition. Donc cabaza, ça décrit une femme qui est très, très bonne dans la technique sexuelle ancienne, OK, d'allaiter, milking, l'engin masculin, OK, en faisant une contraction des abdominaux et des muscles de son entrejambe à elle féminin. Donc, elle est capable d'extraire le liquide de l'engin masculin un peu par allaitement ou par comme un pis de vache. Ah ben! Eh ben! C'est le cabaza. Cabaza, cabaza. Voilà, les Dalton. Les Dalton. Je vais essayer de trouver quelque chose d'autre pour Dalton. Ça, c'est pas arrivé. L'asphyxiation érotique par les relations sexuelles cause environ 500 morts par année. Ah! 500 morts! Faites attention avec vos petits fucking keys, vous autres là. OK. La genre de pulsation que la femme ressent pendant l'orgasme, c'est en fait son utérus qui essaie de ramasser le sperme. Ah, OK. Nous dit-on, donc, les pulsations lors de l'orgasme pour ramasser ce liquide-là. Deux femmes sur cinq souffrent d'anuptaphobie. Qu'est-ce que c'est l'anuptaphobie, selon toi, JP? L'anupta. Donc, ils ont peur d'être nus. Ah! Wow, ça a l'air vrai ça aussi. Non, c'est la peur de rester célibataire ou forever alone, comme diraient les mimes sur Internet. Deux femmes sur cinq ont de la nuptaphobie. L'inventeur des bobettes pour hommes, on a parlé de boxeurs tantôt. Les bobettes, dans ce cas-ci, c'est Arthur Niebler qui les a inventées en 1935. Félicitations à lui. Je sais pas ce qu'on faisait avant ça, une feuille de... d'érable. Non, quand même pas. Et rester célibataire, on a parlé tantôt de célibat, rester célibataire pendant au moins un an après une rupture sérieuse peut aider à transitionner vers une nouvelle relation. Un an. Tantôt, on a parlé de 17 mois pour s'en remettre mentalement. Ça dépend évidemment des gens, mais on parle en moyenne. Oui. Voilà pour cette première partie de Kinky Sexy Time, KST. On n'a jamais appelé ça KST de notre vie, mais bon. C'est très drôle, par exemple. Cause I'm KST. Kinky Sexy Time. On a une deuxième partie tantôt. Mais avant ça, on se pose pour quelques messages. D'accord. Pour aller se faire un petit message. Oui. Puis après ça, plus de KST Dynamite. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou dans tes oreilles. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous revoilà à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est mardi 8 avril 2014. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Oui. Ils sont auditeurs. Ils sont tous auditeurs, plus les uns que les autres. Tous bien jackés pour une deuxième partie de Kinky Sexy Time tantôt. Yes, sir. Mais avant ça, j'ai envie de prendre notre petite chronique écoutant la chanson, la faire tout de suite pour nous donner comme un genre de tampon. Semblant faire le mauvais jeu de mots avec l'entre-genre féminin. Quoi que ça donne de même. Hein. Ben, c'est comme ça. C'est de même, c'est de même. Donc voici. Écoutons la donc la chanson. Écoutons. rôle dans la chanson, c'est le quiz musical d'Assemblage Requis. Qui est là pour me faire travailler. Ah oui, un petit peu d'entraînement cervical. Ben oui, c'est important de temps en temps pour bien commencer la journée. Je sais pas cervical si ça s'applique dans cette phrase-là. Cervical. Cervical. Bref, ça va servir à quelque chose, puis t'es bolé ou t'es un vrai calé dans ce domaine-là, donc cervical, tu sais. Ouais. Voilà. Donc, je te propose trois chansons. Je suis bolé. Oui. Oui, c'est vrai, d'habitude, je sais pas les réponses. Je sais pas les réponses. Puis ton quiz me fait chier. Je vais tout le temps. Voilà, okay. Tout le temps, je me concentre. Là, je chèque du nez à chaque fois. Une vraie canne de jus à l'orange. Donc, trois chansons pour toi dans un ordre déterminé à l'avance. Je t'ai fait jouer. Et après ça, tu dois me dire le lien qui les regroupe. Okay. Tu vas avoir une chance à la mi-temps de déjà commencer à faire un pré-tri. Un remue d'idées, un remuage d'idées, exactement. Tu l'as bien dit. Donc, on va commencer avec une chanson de Jack G. Marinovitch. Elle s'appelle En dessous et la voici qui commence à l'instant. Sur C'est fou. Écoutons-la donc, la chanson. Les cymbales par la fenêtre et le reste par la porte. Il doit l'avoir trompé. Elle en a tout simplement marre. Au premier coup d'œil, on l'aurait dit calmettant. Elle est sûrement aussi, mais pas dans ces moments où elle est plutôt tendue. Il y a du verre qui se casse, ça doit être la tasse, mon amour pour toujours. Thank you. T'as raison, je suis supposé te donner un petit peu de temps. Là, s'il te plaît, là. À la mi-temps, ok, on arrête ça. Donc, on a entendu deux chansons pour commencer ce bloc. Écoutons, non, chante pas tout de suite, là, je suis en train de parler, tu chantes pas tout de suite, tantôt, ça. Alors, on a entendu, donc, En dessous de Jack G. Marinovich jusqu'à maintenant, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. Et on a entendu comme deuxième pièce, Les voisines en dessous. Et l'économie est en train de faire tomber. Tes pistes jusqu'à maintenant pour deviner le lien entre les trois pièces. Ben écoute, là, ça va être deux, hein, parce que j'ai juste entendu deux pièces. Bien sûr. Mais écoute, le lien facile, hein, le mot dessous, qui se retrouve en dessous, le premier titre de pièce. Et puis l'autre, le groupe, c'est les voisins d'en dessous. Donc, d'après moi, il y a Anguille sous roche. Okay. En dessous de la roche, oui. Oui, oui. Puis là, il a tombé. OK, parfait. Jack, tu lèves. Jackie. OK. En dessous. En tout cas, c'est ça. Ça commence bien. T'en as déjà au moins deux pistes. Ah ouais? Oui, quand même. Pas nécessairement les miennes. Mais j'ai deux pistes. Mais t'as deux pistes. Oui, c'est ça. Je m'améliore avec le temps. Un jour, tu vas devenir un vrai Columbo. Un jour, l'œil gauche va se mettre à sciller par le mauvais bord. Comme Columbo. Oh. C'est mon œil qui siffle. Ah, d'accord. Je l'ai pas reconnu, excuse-moi. J'ai pas tendance à l'écouter souvent, ton œil. Ah, c'est ça. Donc, on va retourner à la pièce qui nous reste. C'est celle de chocolat. Donc, voici ton appartement, si ça peut donner un autre indice. Ah, ça brouille les pistes. Ouh! C'est écoutons la donc, la chanson. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement la nuit dernière. Je suis rentré dedans, j'ai pissé sur le divan. T'aurais dû barrer la porte de ton appartement la nuit dernière. Je suis tombé sur tes sous-vêtements, j'ai mis mon nez dedans. De ton appartement la nuit dernière, je suis rentré dedans passionnément. appartement, le joli cul de ton nouvel amant. J'ai mis mon doigt dedans. C'était le bloc Écoutons la dans la chanson. Jean-Philippe doit deviner le lien entre trois pièces. Donc, on avait au début du bloc Jack G. Marinovitch, on l'a dit tantôt, avec la pièce en dessous sur l'album Jackorama. Ensuite, Les voisins en dessous et L'économie est en train de faire tomber sur l'album Les voisins en dessous. Et finalement, Chocolat et ton appartement de l'album Piano élégant. JP Lien. Oui, OK. Donc, Mathieu, là, je vais essayer de me surpasser cette fois-ci. Un niveau, là, bonus. Oui, un petit bonus, puisque c'est toujours facile, c'est quand tu regardes les titres, là, n'importe qui ferait comme « Hey, Mathieu, il y a tellement un peu insultant là, de ta part, là. » Non, non, non, mais attends, j'ai pas fini. OK. Donc là, tu t'es confiant, tu te dis « Ah, c'est facile, il y aura pas de problème. » Mais non. C'est jamais ça. Faux. C'est jamais dans les titres. Puis si c'est dans les titres, c'est le nombre de voyelles. Donc, je l'ai pas encore fait celle-là, ça pourrait venir. Non, mais c'était des syllabes, je pense. C'était quelque chose de même, okay. Il me semble. C'est le premier que tu m'as fait. Possible. Après ça, je me suis dit, bon, ben ça doit être parce qu'il aime pas ça animer avec moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Donc, écoute, je vais y aller par le bas. Donc, la première pièce, c'était ton appartement, Chocolat. Donc, on vit en appartement en ce moment. L'autre, l'artiste, c'était Les voisins d'en dessous. Donc, ton appartement, t'as des voisins en dessous. Et le titre de la première pièce, en fait, qu'on a entendu, c'est En dessous. Donc, c'est peut-être Sans dessus-dessous. Donc, c'est Sans dessus-dessous. Les voisins sont en dessous dans ton appartement, puis ils font des plaintes de bruit. Ah! OK, ben ouais, non, j'avoue, tu disais que c'était facile d'habitude, puis là, tu y vas avec ça, disant que c'est pas facile. Moi, je trouve que ça aussi, c'est un peu facile. Moyen facile, mettons, parce que clairement, la réponse, bon, on parle évidemment, bon, au milieu, on a eu l'économie est en train de faire tomber, OK, tomber ton érection, OK, évidemment. Jack G. Marinovitch, qu'est-ce que c'est pas Jacké? C'est Jack G. Marinovitch quand même. Hein? Fait que j'étais mieux au milieu. T'étais mieux au milieu. J'étais mieux au milieu. Jackorama, c'est le nom de l'album. Jack, encore une fois. Jack. Il y a deux fois Jack dans le nom. Fait que donc, il y a deux fois Jack. Plus, oui, c'est Et Chocolat, évidemment, quelque chose qu'on peut enduire le corps sur toi. Et piano, pénis. C'est la célèbre virlangue, comme on appelle. Voilà. Mathieu, je suis déçu de moi. Un peu, moi aussi, en fait. Je suis déçu de moi, puisque... Moi, je m'attendais à ça, fait que je suis moins déçu que toi. Puisqu'on a pris une pause, hein, en plein milieu. Un entracte. En fait, c'est ça, on a écouté deux pièces, j'ai pu essayer de trouver. Puis j'avais Jack, Jacky, Levé. Je l'avais. Tu l'as dit tantôt, moi aussi, je l'avais entendu ça dans l'entracte et je me suis dit, ah, maudit, il va me voler mon affaire. Puis là, ben, s'il va me voler mon affaire, je vais faire l'affaire à l'appartement que t'as fait. Ah, bon, c'est ça. Peu importe, je gagnerai jamais, tu Mathieu. Tu ne gagneras jamais, je peux te le dire tout de suite. T'es un sphinx. T'es, ouais. Mais bon, gars, qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Un grand désert sec. Oui. Comme on m'appelle, je suis le sphinx. Donc, c'était le bloc. Écoutons la dans la chanson, un lien entre trois pièces. Bravo, JP. T'es quand même très bon participant. T'es quand même très nul. Le prix de consolation, c'est. Un bouchon de bouteille d'eau SK. Ah, t'aurais pas dû, Mathieu. T'aurais pas dû. Justement, je m'en cherchais un de même. Pour fermer ta bouteille. Oui. Bon. Comme ça, je peux me fermer ma... Voilà, écoutons la chanson. On fait ça une fois de temps en temps. Puis ça prend par surprise. Ouh. Ouh. Comme un Jack G. Marinovitch bien membré. Et voilà. Dans ton Jack Orama bien huilé. Voilà. On était rendu à revenir, en fait. On a fait plein d'affaires. On a écouté de la musique. C'était bien le fun, tout ça. On va revenir à nos bonnes vieilles habitudes. Parce que tantôt, si tu te rappelles, on était en plein bloc sexy. C'est la raison même pour laquelle j'ai fait que la chanson là. C'est que ça fitait avec le thème. T'avais pas vu, je l'ai mis entre les deux portions de la chronique pour ben oui, faire plus sexuel. Donc, de retour à Kinky Sexy Time. Kinky Sexy Time, c'est la chronique qui s'adresse à un public plus ou moins averti. Une deuxième portion juste pour vous de Kinky aujourd'hui, tellement qu'on aime ça. Commençons par l'auteur Michael Crichton. John Michael Crichton, MD, était un auteur de livres quand même très connu, physicien, producteur, réalisateur, écrivain, un paquet d'autres affaires. Connu pour son travail dans la science-fiction, la fiction médicale et les thrillers. Est-ce que tu connais Michael Crichton? On prononce souvent Crichton, C-R-I-C-H-T-O-N. Non, même pas. Il écrit entre autres State of Fear, des affaires comme ça. Donc, en 2006, il était, un petit peu blasé par les critiques. Les critiques l'aimaient pas tellement, malgré son succès. Et un critique en particulier l'a vraiment dérangé. Il a décidé d'agir dans son prochain roman et d'attaquer spécifiquement ce critique-là. Donc, le personnage de Michael Crowley, du New Republic, a dit qu'il y avait un personnage qui avait été basé sur lui après qu'il ait écrit une critique négative de son précédent roman de Michael Crichton, State of Fear. Crichton a nommé un personnage donc, en son honneur qui avait aussi un petit masculin, un petit membre masculin, oh. Le personnage, et qui était aussi violeur d'enfant. Ah! Il portait le même nom que lui et le vrai et le fictif Crowley sont basés à Washington, sont des columnistes politiques qui ont gradué de Yale. Donc les deux personnages sont exactement pareils. Par contre, une façon que les auteurs se protègent dans le domaine littéraire, qui se protègent des poursuites pour diffamation, c'est que le personnage, quand tu dis qu'il y a un petit pénis dans le livre, mais ça fait que les gens vont pas venir dire hey, « le personnage est basé sur moi, donc t'as aucune chance de te faire poursuivre ». C'est une très bonne idée, ils font ça souvent apparemment. Ah ouais? Je savais pas ça. Eh ben, intéressant. C'est drôle ça. Ensuite, après qu'une femme a insulté encore une fois la dimension du membre d'un gars, d'un acteur, il a fait un documentaire à ce sujet-là. Donc, la décision d'une femme d'être brutalement honnête au sujet de sa rupture avec ce comédien et acteur de 30 ans, Patrick Moot, a fait qu'il a fait un documentaire qui s'appelle Unhung Hero. Au lieu de Unsung Hero, c'est Unhung, Hung qui veut dire bien membré. Donc, c'est un co-cumentaire qui appelle Ah oui! c'est ce que Moot dit. Oui, il fait le tour du monde pour en apprendre plus sur les grandeurs d'engins masculins ailleurs dans le monde. Il passe en entrevue même ses ex-copines pour savoir si c'est important pour elles la grandeur d'un membre. Donc, Moot a été dompé par sa copine de façon plutôt, gênante. Il l'a demandé en mariage à une partie de la UCLA. UCLA, c'est quoi? C'est du basket, je sais pas trop ça. Donc, c'était sur le Jumbotron. Donc, vraiment, il la demande en mariage classique qu'on voit au cinéma et à la télé sur un écran géant. Et elle a refusé et elle a juste quitté le champ de la caméra. Hors écran, elle lui a dit que parmi d'autres raisons, elle pouvait pas le marier à cause de la grosseur de son engin. Oh! C'est un petit peu gênant, mais au moins, c'était pas sur le Jumbotron, cette partie-là. Donc, lorsqu'il s'est fait demander par le New York Post sa motivation pour faire ce documentaire-là, Moot a dit « Peut-être que je vais pouvoir changer les choses, changer cette chose brutale pour devenir un petit peu plus positive. » Donc, c'est ça. C'est certaines des raisons qui m'aident à dormir la nuit. C'est de penser que finalement, j'ai peut-être fait quelque chose de bien avec ce film-là. Oh. Donc, voilà, c'est Patrick Moot, M-O-O-T. Ouais. C'est ça. C'est plate, hein? Mais c'est comme ça. Ensuite, avant qu'il y ait des pads adhésifs dans les... là, on parle de tampons et serviettes sanitaires, etc. On portait une ceinture commerciale. Donc, les femmes portaient une ceinture à la fin du 19e siècle. Étant donné que les pads auto-adhésifs sont devenus seulement disponibles au début des années 1970, il fallait porter ces ceintures-là, ce qu'on appelait des sanitary panties. C'était des sous-vêtements avec des crochets. OK. Donc, les mensuels étaient un genre de... presque une serviette de table. On appelle ça une sanitary napkin, donc une petite serviette sanitaire. Donc, c'était une ceinture formée de plastique élastomérique donc qui soutenait ça à la femme. Une seule ceinture pouvait fonctionner sur la majorité des torses féminins parce que ça s'accrochait genre à la taille. Je comprends bien tout ça. Donc, avec un ajustement mécanique. Et la ceinture était assez peu chère pour qu'on puisse la jeter après un seul cycle menstruel. Avant d'utiliser la ceinture, chaque femme devait mécaniquement ajuster la ceinture à sa grandeur. Les ceintures étaient... c'est ça, attends un peu. Qu'est-ce que ça dit sur le prix? On dit que la grosse ceinture qu'elle a à l'extérieur, genre, c'était plus cher, donc il fallait la réutiliser plusieurs fois. Et ce qu'elle a à l'intérieur, la petite napkin qui s'attachait par crochet, ça, c'était moins dispendieux, c'est ça. Donc, les compagnies ont vendu des centaines de variétés de ceintures depuis les 100 dernières années. Mais l'industrie est presque disparue au début des années 70 avec l'invention du pad adhésif. Donc, il y a une petite photo sur l'article. C'est marqué « Sanitary Belt, soft, secure, comfortable, durable. » Donc, durable, confortable, douce et sécuritaire. C'est comme une genre de petite une affaire avec une attache pour couche, là, tu sais. Une petite pin à couche qu'on mettait là-dessus. C'est comme un genre d'élastique, là. Ça ressemble un peu à... quasiment un jockstrap, mais... Ouais, ben c'est ça, je t'ai pas dit. Ça, c'est l'ancêtre de... Ah, merde, j'ai perdu le nom. Quand tu fais de l'escalade, là... Le harnais. Le harnais, voilà. C'est l'ancêtre du harnais. Ça ressemble à un harnais, en effet. Bref. Je connais pas tous les détails, mais j'essaie de vous l'expliquer de mon mieux, puis je pense que c'était pas super bon. En 2013, en Chine, on a vendu 110 millions de condoms contrefaits. C'est ça, qui ont été vendus. Donc la Chine est connue pour évidemment ses copies d'un paquet de produits, que ce soit les DVD, des sacoches, n'importe quoi. Il s'en vend pour 250 milliards de trucs de contrefaçon en Chine par année. En 2013, la Chine a vendu 110 millions de condoms au pays qu'on appelle le Ghana. Ces condoms qui ont été découverts par la Food and Drug Authority de Ghana. Ils ont déclaré que les condoms étaient de mauvaise qualité. Ils ont fait des tests, ils ont révélé que les condoms pouvaient être victimes de ruptures. Donc, ça cassait, ça déchirait. Ils n'étaient pas assez lubrifiés et contenaient des trous, souvent. Ah ben. Des trous de base, même pas besoin d'être déchirés. C'était des condoms aimantales. Voilà, comme le fromage. Voilà, blague cheesy. Oui. Les hommes d'affaires chinois ont une longue historique d'exportation d'articles qui sont moins que sécuritaires. Donc, résultat, les officiers de police chinois ont commencé à prendre le contrôle de la situation. Récemment, il y a eu des opérations, des sting operations, des descentes, si on veut, qui révélaient que les condoms étaient lubrifiés avec de l'huile végétale et que souvent, on recyclait les condoms comme filet pour la tête. Ah! Tellement que vous avez des trous, j'imagine. Non, c'est sûrement pas pour ça. sûrement pas pour ça. Ça fait qu'il faisait des tamis, là. C'est ça. Verge. Oui. Il y a une différence de 210 000 $ entre le montant que les hommes et les femmes font dans le domaine de la porno par année. Devine qui fait plus d'argent, les hommes ou les femmes? Les hommes. C'est les femmes. Ah. En 2003, Ren Jeremy, une des porn stars les plus célèbres du monde. Ah, okay. Oui, j'avais mal compris le début. Ah, d'accord. Oui, excusez-moi. Donc, on a discuté des payes moyennes pour les hommes et les femmes qui travaillent dans l'industrie de la pornographie. Donc, Jeremy disait que les femmes pouvaient faire entre 100 et 250 000 $ par année, plus les trucs qu'ils font on the side, comme les strip shows, les apparitions spéciales, etc. Donc, l'homme moyen fait, quant à lui, 40 000 $ par année. Comparé à 100 et 200, entre 100 et 250 000 $ par année. Les commentaires de Jeremy, supportent, si on veut, soutiennent la notion que les hommes sont payés beaucoup moins cher que leurs compatriotes féminines, au moins dans les films hétérosexuels. Hein? Parce que plusieurs disent que la pornographie homosexuelle paye beaucoup plus pour les hommes. Oui. Les statistiques ne sont pas nécessairement disponibles pour ça. Ah. Oui! Oui! Dis-moi en plus! C'est un grand contraste par rapport aux autres industries, évidemment, où les femmes reçoivent toujours 77 cents comparé à chaque dollar que les hommes reçoivent en moyenne. Oui, c'est ça. Ça, on le sait, c'est pas nouveau. Les chercheurs nous apprennent encore une fois que le sperme, en fait, la semence, est une super nourriture. Donc, tu cherches une nourriture qui a tout ce qu'il y a de nutritif, là, pareil comme un shake. Tu veux un shake? Mais à place d'un shake, tu voudrais te shaker le bonbon. Il y a une substance donc qui existe. J'ai un petit peu volé le punch au départ. Mais il y a une substance qui existe. Fais comme si tu n'avais pas entendu ça. Tu veux remplacer ton shake de protéines? Oui. Il y a une substance qui existe, Jean-Philippe, j'ai plus. Qui contient fructose, eau, acide ascorbique, acide citrique, des enzymes, protéines, du fer et plus encore. Et plus encore? Mais t'en veux? Ben oui. Est-ce que tu peux le faire aux fraises? Est-ce que tu peux le faire à la banane? Ben tu peux le faire à la banane, en effet. Parce que cette substance est le semence. La semence, le sperme. C'est ça. Donc, une étude récente nous apprend, en fait, qu'il y a plusieurs avantages à boire ça, à manger ça, ce liquide-là. On parle entre autres... C'est ça. Il y a des animaux qui vont manger leurs propres semences, dont le marine nudibranch, le carrion flies. Donc, c'est ceux qui consomment, entre autres, les espèces qui consomment leur propre sperme comme nourriture. Il y a un livre dédié aux recettes basées sur la semence et les breuvages. Ils font les breuvages des repas. Comme ça. Ça s'appelle Semenology. OK. S-E-M-E-N-O-L-O-G-Y. Cherchez le livre. C'est Semenology. Pour faire de belles petites recettes. La distance entre l'orifice sexuel féminin, d'accord? Les deux orifices. Oui. J'essaie de faire des termes clairs, mais entre les deux orifices féminins, la différence entre les deux va avoir un impact sur sa vie sexuelle, nous dit une autre recherche. OK. Ouais, en 1924, un papier a été écrit révolutionnant ce que les scientifiques connaissaient de l'orgasme féminin. Ça a été publié par Princess Marie Bonaparte, oui, la Marie Bonaparte, la grande nièce de Napoléon Bonaparte. La princesse donc a fait ses recherches. Elle trouvait sa vie sexuelle ennuyante. Elle n'était pas capable de se rendre à l'orgasme simplement par les relations sexuelles normales. Donc, elle était frustrée, puis ça faisait qu'elle se fâchait contre son mari, etc., etc., etc. Et plus tard, ses quatre futurs amoureux après son mari. Donc, la princesse a décidé que c'était rendu le moment de savoir pourquoi elle n'était pas capable d'avoir d'orgasme. Donc, la princesse a commencé à faire des examens, des recherches en recevant en entrevue 243 femmes différentes. Elle mesurait la distance entre le clitoris de la femme et son vagin. D'accord? Et on s'était comparé les distances pour savoir si c'était facile pour elle de se rendre à un orgasme. Donc, princesse Marie Bonaparte, a classé ces femmes-là en trois catégories distinctes. Donc, tu as les paraclitoridiennes, les mésoclitoriennes et les téléclitoridiennes. 50 pouces. 50 pouces. Les télé... C'est seulement capable de capter la porn. Donc, les paraclitoridiennes, qui avaient la mesure la plus proche entre les deux trous. C'était à moins d'un pouce. Et pour elle, c'était très facile d'avoir un orgasme. Selon sa recherche, 69% des femmes tombent dans cette catégorie-là, des paraclitoridiennes. Seulement 10% des femmes sont classées dans la catégorie des mésoclitoriennes. Donc, c'est exactement un pouce entre les deux orifices. Et ces femmes-là se rendent à l'orgasme une longue période de temps plus tard après avoir varié leur position. Ensuite, les téléclitoridiennes, comme on a dit tantôt, qui, elles, ont plus qu'un pouce de distance entre les deux, un peu comme donc la princesse Bonaparte. Les 21% de femmes dans son échantillon qui ont tombé dans cette catégorie-là avaient plus de difficultés à se rendre à l'orgasme, se rendant rarement à l'orgasme par pénétration seulement. Eh bien. C'est vraiment intéressant comme étude, je trouve. Bravo à Marie Bonaparte. J'aurais pu la mettre dans le bloc d'appartement tantôt, dans écoutons la chanson. Ben oui. Mais oui, bon, ça c'est hors sujet. Tant pis. The National Child Victim Identification Program, la NCVIP, you know. Donc, c'est le département qui est propriétaire d'une grande base de données de pornographie. C'est l'un des plus grands propriétaires de pornographie. Cette base de données-là, qui est maintenue par le Child Exploitation and Obscenity Section of the United States Department of Justice. Donc, c'est ça. Bref, ces deux départements-là se sont rassemblés, d'accord, avec le National Center for Missing and Exploited Children pour réussir à trouver l'identité des enfants qui ont été abusés. Donc, Andrew Oosterban a commencé à développer ce programme-là en 1999 avant de le lancer en 2003. C'est une base de données remplie d'images du service des douanes américains, du FBI, donc les services secrets, le service d'inspection postale et plusieurs autres organisations. Et pour des raisons de sécurité, seulement les hauts placés, non pas des hauts placés comme dans... ça deviendrait un peu gênant. Un petit peu gênant. Donc seulement les hauts placés qui ont les passes de sécurité ont le droit de regarder la base de données. Et les policiers normaux n'ont pas le droit d'aller manuellement dans la base de données. Ils ne sont pas capables d'identifier les victimes par nom. Lorsque la pornographie infantile est saisie par la police, les enquêteurs sont responsables pour inspecter la collection complète avant de soumettre ça dans la base de données. Et en 2007, il y avait plus de 10 000 images de pornographie infantile qui avaient été saisies. Deux officiers de police sont en charge de regarder absolument chaque image. Oh. T'imagines la job inconfortable, malaisante de regarder de la pornographie infantile. C'est ta job. Ouais. Et voilà. Et ben. Puis ça, c'était tous les jours. Tous les jours de ta vie. Ouais. Tu reviens à la maison, tu pensais qu'à ça. Ouais. Je sais pas. Bah. Il me semble que c'est juste déplacé. Mais bon. Un jeune Hugh Hefner. On connaît Hugh Hefner, le fondateur de Playboy. Hugh Hefner est un méchant bon scrapbooker. C'est un fan de scrapbooking. C'est lui qui a la plus grande collection de scrapbook personnel, plus de 2600 livres. Un employé masculin de Hugh Hefner, Steve Martinez, est en charge de tous ces volumes-là depuis 22 ans, qui est l'archiviste professionnel à temps plein de Hugh Hefner. Cet homme-là. Les scrapbooks se documentent chaque jour, presque chaque jour, nous dit-on, de la vie de Hugh Hefner. Et si on juge évidemment par son magazine, on peut s'attendre à une vie assez palpitante. Quand même. Pas mal plus intéressant que regarder de la pornographie infantile. Oui, ça. Oui, c'est comme on dit. Tu savais de ça, premièrement, je vais faire une phrase qui se tient. Savais-tu ça? Je puis. Que la lactation, ça c'est un terme qui, j'imagine, un équivalent en français que je ne connais pas. Elle s'appelait lactation. Donc, c'est pas le lait, le lactant. C'est ça. Je suis parti, là. Je pense que je serais mieux d'aller le trouver si jamais il y en a un mot en français. Après, ce serait moins... Je pense que c'est la même chose. Oui, c'est exactement ça. La lactation, une fonction psychologique de la femme, physiologique de la femme et des femelles de mammifères. Bon, donc, la lactation arrive souvent, la plupart du temps, en fait, chez la femme après avoir donné naissance à un enfant pour pouvoir, évidemment, allaiter le bébé. Bon, par contre, la lactation peut être amenée même si la femme n'est pas enceinte ou n'a jamais été enceinte. OK. C'est vrai. Donc, le processus arrive si tu suces assez longtemps les mamelons, si tu masses et que tu squeezes, que tu tard et autres termes comme ça. Donc, c'est possible de faire aussi sortir le lait en utilisant un médicament qui s'appelle le dompéridone et non pas le dompérignon. Non, c'est ça. Hein? On allait tout la faire. J'imagine. Donc, il y a des cas qui ont fonctionné de lactation par induction, si on veut. C'était des comment... documenté chez les femmes qui n'avaient jamais été enceintes et des femmes qui sont bien au-delà de leur ménopause. Donc, même des femmes qui d'habitude ne pourraient pas allaiter après la ménopause peuvent le faire dans certains cas. Dans les années 70, Mattel vendait une poupée dont les seins poussaient. On a déjà mentionné ce fait-là en bref, mais j'ai des détails sur cette poupée Barbie avec les seins qui grandissent. Okay. Donc, si t'as déjà eu une poupée Barbie dans les années 70, t'aurais peut-être été propriétaire d'une Growing Up Skipper. Donc, Skipper, qui était la plus jeune sœur de Barbie, donc il y avait une caractéristique intéressante que Barbie n'avait pas. En 75, donc, Mattel a sorti cette poupée-là. Et quand tu faisais tourner son bras, ses seins grossissaient. Hein? Et à part donc avoir une plus grosse poitrine, son torse devenait plus long aussi. L'idée, c'est que la poupée allait grandir au rythme de la... que la fille, la petite fille qu'il utilisait, grandissait aussi. Skipper avait des seins qui pouvaient aller jusqu'à un A, un bonnet A, quand tu faisais tourner le bras dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si ces seins de plastique-là n'étaient pas assez gros, tu peux aussi acheter la Growing Up Ginger. Et cette poupée-là avait des seins qui allaient jusqu'à des D environ. Oh, wow! Il y a des photos sur assemblagerequis.com. Génial! Tu ne voudrais pas être payé par le Federal Bureau? Ben non, c'est ça. Pour regarder des photos de Barbie avec les seins qui poussent, là. Hein? Ouais. Ensuite... Ouais. Y a un désordre mental où le patient est certain que son appareil génital va disparaître. Encore un fait qu'on a abordé il y a quelques temps, mais allons-y dans les détails. KORO, ça s'appelle K-O-R-O. Un désordre mental, donc une maladie mentale, c'est listé dans le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ce qu'on appelle le DSM. On dit que c'est une peur surpassante que ton appareil génital va rentrer à l'intérieur de ton corps, va disparaître par en dedans. Donc, ce désordre-là peut affecter les hommes et les femmes. Le désordre par rapport aux hommes, c'est évidemment leur engin masculin qu'on connaît tous, le pénis. Chez la femme, c'est les mamelons, donc on ne parle pas de leur autre... voilà. Donc, le KORO, qui est quand même assez répandu en Chine, particulièrement chez les personnes qui sont célibataires, mal éduquées et qui ont peur des forces surnaturelles. Donc, évidemment, ça a rapport avec... peut-être la religion et d'autres choses comme ça. Donc, typiquement, ce désordre-là va arriver dans des endroits où il y a eu... dans le fond, ça va comme être une épidémie. Si on veut, donc plusieurs personnes vont être affectées par le KORO en même temps. On ne sait pas pourquoi. KORO est le nom. Ben oui. Moi, quand je suis revenu de vacances, là, j'ai ramené plein de KORO. Comme le pluriel d'un corail. ouais. C'est quoi ta sorte de carte préférée? Le KORO. Le KORO. OK. La castration chimique, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. On passe du coq à l'âne encore une fois. Donc, la castration chimique, c'est l'administration des médicaments qui est faite pour réduire la libido et l'activité sexuelle. Contrairement à la castration chirurgicale où les testicules ou les ovaires sont enlevés par une incision dans le corps, la castration chimique, va pas vraiment castrer la personne au complet. C'est pas une forme de stérilisation. La castration chimique, c'est l'administration donc, d'une drogue, d'un médicament donc anti-androgène ou encore le médicament de contrôle des naissances, Depo Provera, qui est donné par injection à chaque 3 mois. Donc, pour que ce soit plus facile de savoir si la personne l'a pris parce que c'est quelqu'un qui doit lui administrer. Lorsque tu disais chez les hommes, ces médicaments-là peuvent réduire la libido, les fantasmes sexuels compulsifs et sa capacité même à être excité. En 1966, John Money, it's all about money, qui est devenu le premier Américain à employer la castration chimique en prescrivant du médroxyprogestérone acétate, donc comme traitement pour un patient qui avait des envies pédophiliques. Évidemment, donc ça a commencé par là, par John Money, it's all about money. Ça, c'est son nom complet, là, oui. Ça, j'ai dit 2 fois comme faux. Finalement, le point G, Jean-Philippe. Oui, Mathieu. T'as pas de G dans ton nom? Non. Pas de G, moi non plus. Sauf que je suis un G-man. G-man! Donc, selon le magazine Fabulous. Fabulous Magazine, oui, G-man. Oui, j'en ris encore. Plusieurs femmes sur la côte ouest vont maintenant voir leur docteur pour se faire injecter dans leur point G. C'est ce qu'on appelle la procédure lunchtime procedure, donc la procédure de l'heure du dîner. Oui, c'est une injection de hyaluronane, qui est un genre de collagène, si on veut, livré par anesthésie locale dans la région du point G. L'homme derrière cette mode est Dr. David Matlock. Je ne sais pas s'il fait qu'un élastique, un trombone puis une punaise comme Matlock dans le temps. Ouais, quand tu vas le voir, il ne faut pas que ce soit barré. Matlock. Matlock, Matlock, Matlock est ça. Ouais, ouais. Donc, un G-spot, un point G élargi, a peut-être pas un grand effet chez les femmes, selon certains scientifiques, selon certains médecins. Quand même, cette procédure-là est de plus en plus populaire chez les femmes qui cherchent à améliorer leur vie sexuelle. Ça peut coûter jusqu'à 1 000 $ et ça promet des mois de plaisir sexuel amélioré et d'orgasme encore plus élevé que d'habitude. Je sais pas moi non plus quoi en penser. 1 000 $ chez les femmes riches et célèbres, sûrement les vedettes d'Hollywood, ça leur dérangera pas trop, mais quelqu'un de la vie de tous les jours qui va aller se faire faire ça puis que finalement ça fait pas d'effet selon bien les docteurs. Je sais pas. Hey, on va terminer avec un celui-là. Tu connais cette chanson-là, GPG Man? Excuse-moi, je m'appelle G-Man comme ton vrai nom. Tu connaissais ici une chanson du Muppet Show, là, j'imagine que tu vas reconnaître. Ça va commencer là. C'est une des premières chansons populaires à être sortie de la bande des Muppets. C'était joué, rejoué, remixé plusieurs fois. Par contre, c'était pas une composition originale pour la création de Jim Henson, les Muppets. C'était plutôt une chanson qui venait d'un film italien softcore, pornographie softcore de 1968. Le film s'appelle Sweden, Heaven and Hell. OK. Ouais. C'est, la chanson est jouée dans une scène où des filles suédoises vont passer du temps dans un sauna. Donc, je vais vous laisser entendre la fin de la chanson. Après ça, on revient. Et on écoute l'extrait génial. Softcore porn à la radio. Just a second. It's for you. Manamana! Manamana par les Muppets dans le Muppet Show. What is a manamana? Mais qu'est-ce que manamana? Who cares? La question est, mais qui est-ce que ça intéresse? C'est ça. Voilà. On s'en fout. On s'en fout, mais on a parlé tantôt qu'il y avait une version originale composée par Piero Umiliani, entendue dans un film softcore porn de 1968, que certains, c'est ça, disent que c'est de la softcore, mais dans le fond, c'est pas grand-chose. Sweden, Heaven and Hell, écoutons l'extrait original du film. Donc, on voit des femmes qui marchent dans la neige. C'est pas très pornographique, hein? Non, je sais pas, ça me tease pas. C'est peut-être à cause que je sais pourquoi. Ouais, c'est ça. Elles entrent dans un petit cabanon, une cabane qui est, j'imagine, le sauna dont on parlait tantôt. On aborde. La caméra panne vers le haut pour voir le toit de la bâtisse. Pour une raison que j'ignore. Ah, les femmes sont en serviette dans le sauna. On boit, bien sûr. Ouh, les petites filles ricanent et se collent. Oui, exactement ça. Ouh, en tout cas, il se passe vraiment rien dans l'extrait, en tout cas. Là. Mais c'est la chanson, on la reconnaît bien. Ben oui. On la reconnaît très bien. Il se passe rien. Il se passe absolument rien. Voilà, c'est tout pour King Sexy Time. Normalement, j'aurais terminé, je vais te dire, avec la chanson La pornographie de David Giguère, mais à la place, j'ai trouvé encore mieux parce que pour ceux qui n'étaient pas encore tannés d'entendre Mana Mana, on va se quitter avec la version de Cake de Mana Mana. À tantôt. Bala bala, bala bala. Qui est la version, sa version en fait de Mana Mana des Muppets. Oui, c'était très bon. Excellent. Au retour, ton, ta chronique, la chronique, notre chronique, tu manges mon cœur. Miam, miam, miam, miam. Manam, manam. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Heureux de vous retrouver pour une autre heure d'Assemblage requis avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. On est en direct des studios de Six Fois à Trois-Rivières en ce mardi 8 avril 2014, 2014. Yes, sir. Une journée à oublier pour certains, mais nous, on parle pas vraiment de ça ce matin. C'est la place où ne pas entendre parler de ça ce matin. Ouais, peut-être. Hein? Le matin. Oui. Le matin. Juste le matin. Ouais, on verra après. C'est ça, après ça, sûrement. Donc, dans quelques secondes, juste après l'intro qu'on annonce, parce qu'une intro s'en vient. Certains pourraient se dire, attends un peu, il y a des chroniques qui n'ont pas d'intro, mais c'est parce qu'ils n'écoutent pas une émission de Mathieu Plante où tout a une intro. Voici Tu manges mon cœur. Notre cœur veut dépenser de l'argent, veut se divertir, veut faire plein de choses et ça coûte tellement cher. Mais nous, on vous suggère des activités qui sont pertinentes, fascinantes et qui, des fois, coûtent moins cher que d'autres. En fait, j'ai aucune idée de quoi tu veux nous parler, donc je suis dans les airs comme je fais toujours. Oui, c'est ça, parce que on va voir si ça s'applique vraiment à ce que je vais te présenter aujourd'hui, Mathieu. D'accord, ben, je vais juste commencer. C'est toi, les femmes d'abord. Hein? Oui, ben c'est ça. Tu as l'habitude de me dire ça. Donc, j'y vais, je me lance. Moi, je suis un gars de même prévisible. Je te laisse aller en premier. Mais oui, je me mouille que seulement à la fin. Ben oui, je ben, me mouille par dedans aussi. Mais... mais ça, c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Mathieu, toi qui aimes me donner des devinettes, oui. Me donner, hein, parce que tu me les donnes. Oui, et toi, tu réponds et tu ben co-signes. Oui. Ben oui, j'essaie de... par le CA. Oui, c'est ça. Mathieu, je vais te faire deviner quelque chose, puisque je cherche une marque. OK. Puis là, je me suis dit, bon... Est-ce que tu nous imites le Parfura? Non, à matin, non, j'ai la voix rauque. Ouais. Puis je sais pas si je vais y arriver. Donc, écoute, je cherche une marque, Mathieu, qui a été inventée, en fait, en 1961. Là, si tu l'as, ça vaut 20 points. 1961. T'as droit à un essai. Aïe, aïe. 61. Walmart. Non, OK, parfait. T'as pas 20 points. OK, merci. Good. Ça a été créé à New York, plus spécifiquement dans le Bronx. Une marque, là, OK, donc sûrement pas un magasin, en fait. Marque Nike. OK, non, c'est bien essayé, mais non. C'est devenu une chaîne de magasins qui vend de la crème glacée. Baskin Robbins. Ah, t'es pas loin. Faut que je te donne un autre indice parce que là, c'est ça. ouais, t'as un peu. Ben, c'est ça, ils font également ben, des barres glacées, des sorbets puis des yogos glacés. Ben and Jerry. Non. Je sais. Okay, est-ce que t'as d'autres indices? Oui, écoute, aux États-Unis et au Canada, c'est commercialisé par Nestlé. Nestlé, OK. Est-ce que ça aurait un nom difficile à prononcer et qui n'est pas vraiment une langue, dans le fond, ça a été inventé, c'est des mots qui ne veulent rien dire. Ça se pourrait. Est-ce que je peux deviner? Oui, t'as le droit. Haagen-Dazs. Oui, monsieur. Wow! Oui, j'ai décidé de te parler de Haagen-Dazs comme coup de cœur, puisque l'été s'en vient. Oui, ben oui. Puis on va avoir envie de crème glacée. Et puis, je me suis dit que j'allais décomposer le Haagen-Dazs classique. Avec le petit neuf avec la barre en dessous. Oui, décomposable c'est ça. Dans les deux sens. Dans les deux sens. Parce que Mathieu... des fois, c'est des ailes de poulet. C'est tout le temps, les ailes de poulet, comme ça. Oh, oui, c'est ça. Puis là, écoute, je suis tombé là-dessus, puisque j'en ai acheté cette semaine à l'épicerie, puisque j'avais vraiment envie de ça. Et puis là, je regarde tous les produits qu'ils ont à nous offrir, ah, oui. Et puis je capote. Je sais pas si t'es un fan de cette crème glacée-là. Est-ce que t'es un fan des crèmes glacées j'adore en général? J'adore la crème glacée, même si tu sais les produits laitiers. Hein. Oui, mais, ouais, c'est ça, faut faire attention. Mais Haagen-Dazs, j'avoue que j'en ai jamais... Est-ce que j'ai déjà mangé ça? Je pense pas. OK, ben écoute, j'essaie de te conquérir. Okay. On dit ça, conquérir? Oui, de te vendre. Me gagner. Ma salade, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Écoute, je nomme quelques saveurs en rafale. Aux noix de pacane, au caramel. Ça, c'est différent. Ben, y a le chocolat, à la pâte à biscuits. C'est mon favori. Ah. C'est mon préféré. Bon, briseur de chocolat, OK, ça va. Au beurre de peanut. Ouh! Il y a une que je n'ai jamais vue ici. Ça s'appelle Rocky Road. OK. À l'intérieur, il y a des petits bouts de marshmallow. Ben oui! Des noix. Attends un peu. Ben, c'est ça, des amandes rôties. Ben, du sucre, ça, on s'en doute. Hein. Puis, ben, c'est ça. Mais il y a des petits bouts de marshmallow. Rocky Road, c'est cool. Il y a des bartends, Rocky Road. Y a, les produits ouais, ben, Rocky Road, en tant que tel, il y a tout le temps des guimauves. Donc, vraiment, ça doit être absolument génial. Et puis, bon, écoute, peut-être pour ceux qui se disent « Ah, oh, ouais, mais c'est trop gras. » Non. Ben, il y a aussi thé vert, menthe, café, bon, c'est ça, raisin, etc. Il y a des sorbets également. OK. Il y a des gélatos. Et puis, il y a les collections aussi limitées qui ont l'air fabuleuses, vraiment. Caramel salé. Ah! Bourbon, pacane et praline. Et à la... Toi, ça va peut-être t'interpeller. Uh-huh. À la, voyons, tarte. Peanut butter. Genre à la tarte... tarte au sucre, mais tarte genre Reese's, genre Butter Peanut. Un peu comme tu nous as fait goûter avec les Momentos. Le meilleur, j'imagine. Oui, ouais, c'est ça. Ah, ça doit être débile. Donc, et puis sinon, dans les gélatos, ben, t'as cappuccino, chocolat noir, limoncello. Puis en tout cas, et j'en passe. Donc, écoute, j'espère que je t'ai, un peu teasé. Puis si jamais je t'ai pas convaincu... Là, on dirait que j'en reçois une grosse commande de deux autres. Mais pour de vrai, c'est... Ben, on en a parlé d'eux, donc on s'attend à une commande. Ben, c'est ça. À le bureau. C'est ça. J'espère que quand je vais arriver dans mon bureau, il va y avoir une grosse palette de crème glacée fondue. C'est le 1006A. Oui, c'est D. D. Oui, c'est D. Néré-Beauchemin. Mettez ça là, puis je vais m'occuper de ça pour de vrai. Il n'y a aucun problème. Là. Fiez-vous sur nous. Oui, et puis écoute, je vous conseille d'aller sur le site internet, mais évidemment, États-Unis. Oui, parce que comment l'appeler encore à oui. Ben, tu tapes H-A-A. Haagen-Dazs. Ça va s'auto-compléter et s'auto-corriger. Ouais. Ben, pour le vrai, tu fais H-A-T-R-E-M-A. Ah! Direct. Yes. Direct. Donc, je sais pas, mais je suis allé sur les deux sites, donc celui canadien et celui américain. Et puis, aller dans les recettes, c'est tout à fait génial. Écoute, Mathieu, ces deux-là, je l'ai fait pour toi, OK? Ça s'appelle... Attends un peu, je trouve pas le nom, mais tu prends de la crème glacée aux graines de café, ouais. Java Chip Ice Cream. Aïe. Tu prends des marshmallows que tu coupes en deux, okay. Que tu fais fondre un tout petit peu, que tu saupoudres dans des biscuits Graham. Aïe, aïe. Et puis, tu mets des noix de pécan dessus. Puis ça te fait un sorbet, ma foi, tout à fait A1. A1, ouais. En effet. Donc, ça, c'est le premier. Toasted Java Chip Combo. Ah, ben oui, okay, ben, il était là, il était trop gros. Merci. C'est un crumble. Oui, et puis sinon, tu peux prendre aussi le Java Chip à la orange. OK. Et puis, c'est un peu le même concept. Tu prends la même crème glacée Java Chip Ice Cream avec des oranges que tu fais des zestes. Saupoudré de sucre un petit peu. Et voilà, l'affaire est ketchup. C'est trop pour moi, ça, là. C'est trop, hein? C'est trop. On n'est pas fait en sucre. On va fondre comme de la crème glacée. Parce qu'il est juste 9h, on est un mardi, il faut attendre avant de manger de la crème glacée. Ben, tu sais que Mathieu, avant, c'était le jeudi. Mais depuis que j'anime plus avec toi les jeudis, ouais. Il faut que je me reprenne. Pour moi, c'est jeudi de l'animation. T'as raison, c'est le mardi et le nouveau jeudi. Oui, c'est le nouveau vendredi. Et Hey, la fin de semaine va arriver à un moment donné, ça va être lundi matin. Ah ouais, non. Va-t'en chez vous. Il n'y en a pas trop. Donc, voilà, écoute, je sais pas pourquoi j'avais envie de vous partager mon plaisir fou à manger cette crème glacée qui est tout à fait délicieuse. Puis c'est pas la seule que j'aime, hein. J'aime aussi l'Aquatico qui est vraiment très bonne. J'aime écouter ça, c'est l'espèce de gros seau là, qui prend tout le congélateur quand on en a. Oui, oui, exactement. Ouais. Mais ils ont moins de sortes, je dirais, peut-être moins de sortes différentes, mais ils sont toutes aussi bonnes. Trois colères. C'est celles qui font sont bonnes. Ouais. À Gandaz, ils les font toutes, ils sont toutes bonnes. Aquatico en fait moins, mais ils sont bonnes aussi. C'est ça. Mais le problème avec Agrindas, c'est le luxe derrière la chose. Donc, souvent, le pot est très, très cher. Des fois, c'est très dispendieux. Un minuscule pot avec trois bouchées dedans, c'est 6 piastres. Oui, oui. Donc, c'est le gros défaut, en fait. En tout cas, c'est sûr que c'est une crème glacée de qualité. Oui, c'est ça. Mais par exemple, il faut que tu sois prêt à payer le prix pour ça. C'est pas quelque chose que je mange à tous les jours. Non, mais de temps en temps, c'est le fun. Et tu sais, c'est pas un investissement. C'est pas genre tu vas mettre l'argent sur quelque chose non, pour l'investir. Non, parce qu'en 5 minutes, c'est fini. Hein? C'est ça. Mais le plaisir que tu vas avoir à manger cette crème glacée-là. Si tu veux que ça soit un investissement, Mathieu, ce que je te conseille, c'est de prendre les bars. En anglais, ils disent c'est les bars, mais oui, c'est ça, les pop, comme un popsicle. Là, mais un genre de sandwich à la crème, mais avec de la crème glacée dedans. Ou avec un bâton. Avec un bâton. Toi, sûr qu'il y a un bâton. S'il y avait des ailes de poulet avec un bâton, puis la petite sauce. Maudit que je serais heureux. Mais ce que je disais, c'est que pour que ce soit un investissement, tu as juste acheté ça plutôt que le pot de crème glacée. Parce qu'au moins, tu peux garder le bâton sur main. Ça dure un peu plus longtemps. Tu peux le garder dans ta bouche, puis le mâchouiller. C'est ça. Comme une cigarette, mais dans ta bouche en plein. Bref, j'entends dire que Lucky Luke, dans ses plus récentes aventures, c'est un bâton de Gendaz. C'est un bâton de C'est pas la paille. Voilà. Mais merci, Jean-Philippe, ça a valu la peine, je trouve. Oui. On va attendre jusqu'à samedi pour pouvoir exécuter tes commandes. Exactement. Et à Gendaz, prends note, 1006 Néré-Beauchemin. Moi, c'est vraiment ultra grand public ce que je te présente ce matin. C'est rare que je fais ça. Et quand je le fais de dire grand public, j'ai l'impression d'aller à contre-courant de mon personnage de faux hipster, qui n'en est pas vraiment un, mais qui se fait traiter d'hipster. Et si j'étais un hipster, j'écouterais jamais rien de ce qu'il joue à C'est Fou parce que c'est trop mainstream. Donc, je dois pas être hipster. Mais je vous parle d'une série qui est. En fait, j'annule ça. Je vous parle pas d'une série parce que parler d'une série, ce serait beaucoup trop bébé pour vous, vous allez me dire. Parce que Sam & Cat, qui est l'émission dérivée de iCarly et Victorious, qui est les deux émissions de Nickelodeon que j'écoute depuis quelques années, qui joue elle aussi à Vrak TV, il y a une série dérivée qui s'appelle Sam & Cat, créée par Dan Schneider, donc le même créateur. C'est diffusé depuis juin 2013. Et depuis la première diffusion en juin 2013, on attendait une version plus longue de la chanson thème. OK. Et elle est sortie la semaine passée sur iTunes. Malheureusement, pas au Canada. Ah. Donc, il est sorti sur iTunes US le 25 mars. Le site Pop, Bop and Tiger Beat, .com, qui est un site pour les magazines Bop et Tiger Beat, donc les magazines pour jeunes filles de 12 ans et moins, ont exclusivement posté la chanson et j'avais envie de l'entendre. Parce que je suis de même des fois. Je suis quétaine comme ça. Oh. Donc, voici Just Fine de Michael Corcoran. Ah oui. C'est pour ça que t'es attaché à comme ça. Just Fine de Michael Corcoran, chanson thème de l'émission de télé Simon 4. Cette chanson-là, vous ne pouvez même pas deviner le nombre de fois que j'ai écouté. À la place d'écouter des CD, des palmarès fous comme je devrais, puis m'éduquer musicalement, j'écoute ça en boucle. Donc, ça faisait depuis juin 2013, comme je disais, qu'on l'attendait. C'est un plaisir coupable. Mais c'est un plaisir très, très, très, très coupable et je me sens coupable d'un crime en ce moment de faire passer ça. Donc, c'est ça, Simon 4 qui est diffusé à VRAC TV, qui suit les aventures de Sam de l'émission iCarly et Kat de l'émission Victorious ensemble avec d'autres nouveaux personnages. J'adore cette série-là, je trouve ça super drôle. Et je trouve que les émissions de Dan Schneider, que ce soit Zoe 101, Victorious, iCarly, Drake and Josh et les autres émissions de Nickelodeon qui est basée sur l'historique de Dan Schneider, c'est tout le temps super bien écrit, super drôle. Des fois très très enfantin, mais bon enfant, si oui. on veut. OK. C'est familial et pas de vulgarité, pas trop gros en tout cas. Donc c'est bon. Voilà, c'est la génial. Chanson Just Fine. C'est tout pour Tu manges mon cœur. Ça valait la peine, tout ça. C'était de la crème glacée et Samin 4, c'est comme deux plaisirs coupables de la vie. Ben oui, c'est ça. Mis imagine ensemble. Imagine, tu fais les deux en même temps. Oh! Ah, oh! L'orgasme. Oui, assuré. En fait, tu manges mon cœur une fois de temps en temps quand ça donne, mais pas trop, parce que sinon, on va faire une surdose de plaisir, comme on dit. Et on prend une pause au retour. C'est la chronique d'Alexandra Carignan de Temps de Culture. On va parler de choses un petit peu plus classe que les émissions de VRAC TV. Mm-hmm. Je vous le garantis. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage requis, les Jean-Philippe Charbonneau. Et les Mathieu Plante. Dans quelques instants. Oui. Dans quelques minutes, ce sera Alexandra Carignan et sa chronique Le Temps d'une Culture. Mais avant ça, un nouvel extrait de On a créé un monstre qu'on n'a pas encore fait jouer à Assemblage requis. Donc on écoute l'emballage. Rap, c'est un rap. C'est quelque chose. Mon Dieu, elle est bonne. Bien que tu n'apportes rien et qui me pousse à faire des trucs de fou. Me hante, me hante. C'est quelque chose que tu renfermes et je ferme les yeux. Fait que j'en désire toujours plus. Je perds le contrôle. L'emballage, je m'en balance. Je prépare la chair. Je prépare l'essence. Et on se perd que tu provoques. Et la saveur en toi me rentre dans le torse. Jacques Mort et l'emballage. Pour ceux qui ont manqué le gag tantôt, j'ai dit... On a créé un monstre. On a créé un monstre, excuse-moi. J'ai dit c'était un rap. Oui. C'était une blague. C'est pas vrai, ça. Rap, l'emballage. On l'a pogné? Oui. Ouais. Yo, t'apprends-tu? Dude, man, love. G, bro. Bro. On est encore en attente d'Alexandra Carignan, mais sans bien, j'en suis convaincu. Sinon, au pire, on fera son foutu palmarès dans quelques instants. Mais avant ça, oui, dans quelques instants, Alexandra Carignan s'est annoncé, c'est dit. Pour l'instant, voici Roulez roulant de Jacques Maure. Mort et la pièce Rouli Roulant. Ça, c'est l'italien. Rouli Roulant. Quelle heure qui est, JP? As-tu l'heure? Oui, 9h13. Non, c'est pas ça. Je cherche le temps d'une culture. Sandra Carignan, bon matin! Hey, bon matin! Bonjour, ça va? Ça va? Oh, ça a l'air d'aller moyen. Ben, du mieux que je peux aller après hier soir. Après la soirée d'hier. La soirée de l'électorat. L'électorat. Que voulez-vous? Je suis pas capable d'être... Heureuse. Heureuse et neutre à la radio. Au moins, t'as juste 4 ans devant toi à être malheureuse, c'est ça? Juste ça. C'est quoi 4 ans dans une vie, hein? C'est quoi 4 ans dans une vie? Donc, on parle de culture, de tout sauf de politique, en fait, dans cette chronique avec Sandra Cagnon. Oui, parce que la politique, là, c'est triste. Fait que là, moi, je vais vous mettre de la joie. Et aussi, en fait, plein de culture, le temps que nous en avons, puisque nous ne savons pas c'est quoi la politique. Les libéraux et la culture, moi, j'avoue. Ben oui, c'est ça, on le sait pas. Mais d'ici là, vous allez avoir le temps de vous gaver de culture, puisque j'en ai plein pour vous cette semaine. En fait, premièrement, beaucoup d'expositions à visiter, parce que c'est un devoir que vous allez vous faire. Premièrement, en fait, on va y aller pour les lieux que vous pouvez accéder en ce moment. Parce qu'en fait, il y en a une au CCPJ. Le CCPJ, c'est ouvert du jeudi au dimanche. Donc, vous avez encore un petit 2 jours là pour pas y aller. Jeudi, vous allez au Centre culturel Pauline Julien, au cadre de la Madeleine. C'est pas très loin, là. Vous passez le pont, puis vous êtes arrivé. Ben oui. T'sais, je veux dire, il y a un McDo à côté. Vous... comme dans une vraie ville, il y a un McDo à côté. C'est comme dans une vraie ville, c'est à côté du McDo. Au Centre culturel Pauline Julien, ce mois-ci, on présente l'univers théâtral de Sonia Payette avec son exposition « Un rôle à jouer, un costume à porter ». Sonia Payette, elle, c'est pas une artiste à la base, donc elle a fait de la danse, elle a fait du chant beaucoup. En fait, elle a étudié en chant professionnellement. Donc, c'est ce qu'elle fait de sa vie. Et en fait, au début de sa trentaine, il y a à peu près 3-4 ans, elle a fait « J'aimais ça dessiner quand j'étais jeune. Pourquoi pas me remettre au dessin? » Si seulement c'était aussi simple d'être une artiste. Pour certains. Donc, elle se remet au dessin. Elle participe au Festival international de Montréal en art. Et là, boum! Elle se dit, ben voyons, tout le monde me dit que je suis bonne, je vais continuer là-dedans. Ben oui. Elle s'installe à Saint-Élie-Caxton, juste ici en Mauricie, et se part un atelier. Et là, en fait, c'est justement toutes les œuvres qu'elle a créées depuis qu'elle est à son atelier à Saint-Élie-Caxton qu'elle présente au Centre culturel Pauline Julien. Donc, ce qu'elle fait, c'est de la peinture, donc de l'acrylique, mais c'est particulier. Elle va s'inspirer des œuvres théâtrales. Donc, en fait, beaucoup de ce qui entoure le théâtre, les acteurs, le cirque aussi. Donc, les personnes qui font partie de ce cirque-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait de la peinture sur une toile de lin. En fait, sur du tissu de lin, là, tu sais, du lin et du chanvre. Là. Oui. Quand vous essayez de penser... Pensez à des habits d'époque, là. Tu sais, là, oui, la full laine. Léger, lui. Ouais, full léger, l'espèce de laine brune, là, qui est pas confortable. Ben, qui est confortable à l'époque, mais pour nous, c'est ça. Les corps étaient différents à l'époque, faut croire. Ça, les corps étaient plus résistants. Alors, ben, en fait, ça, c'est le début de sa toile. Et par-dessus, elle met un peu de plâtre. Et ensuite, elle peinture. C'est vraiment beau, en fait. C'est que le plâtre va s'insérer dans les tissus de chanvre. Oui, c'est ça. Ce qui fait un aspect vieillot. Ce qui est vraiment beau parce qu'il n'est pas partout, le plâtre. Là, on va voir le tissu à quelques endroits. C'est vraiment, vraiment beau ce qu'elle fait. Il va y avoir beaucoup de détails dans les visages. C'est super intéressant par rapport à ça. Donc, c'est les visages des personnages. Il y a tout le temps des décors, mais ce qui est intéressant, elle a des très, très grandes toiles, c'est que les décors sont ternes, mais les personnages sont colorés. Donc, on a un beau ça contraste. Se démarque. Ouais. Et là, je vous parle du théâtre, mais en fait, c'est plus la moitié de l'exposition qui s'inspire du théâtre. Selon moi, elle a commencé avec cette idée-là de s'inspirer des acteurs de théâtre pour finalement y aller au gré de sa pensée, puisque la deuxième portion, elle est beaucoup campagnarde. Donc, deux jeunes filles sur des vélos, dans un champ, ou ainsi de suite de même. Ce qui est intéressant aussi, il y en a une que je trouve très, très drôle, c'est deux filles en bikini. Ben, en bikini de l'époque des années 50, okay, mettons, oui. Là. Avec un monsieur qui a l'air d'un contrôleur, qui est en train de mesurer la distance entre le genou et la jupette. Oui. Oui, parce que ça, il faut le mentionner. Si c'est pas dans le théâtre, tout se passe dans les années 20-50. Là. Donc, c'est cool. Oui, en fait, c'est vrai, c'est un bel univers. Moi, c'est ce que j'aime, les années folles, puis l'entre-deux-guerres. C'est un bel univers. Puis elle, c'est ça qu'elle va utiliser comme personnage. Des beaux chapeaux, des belles robes. Il y a même deux œuvres qui se répondent, parce qu'il y en a une que c'est une dame assise à une table, habillée en années 20. Et le titre de l'expo... de l'œuvre, c'est je te fais la lecture. Et juste à côté, t'as un homme avec sa pipe et son café qui est Tu me fais la lecture. Ah. Et c'est deux œuvres complètement différentes qui peuvent s'acheter tout seuls, qui sont très belles. Mais mis ensemble, il y a une histoire qui se dégage. Des sœurs séparées à la naissance. C'est ça. L'étoile. Parce que c'est quand même un couple. Je pense qu'on a compris ça. Alors, un couple séparé à la naissance, fait un petit peu pervers. Oui, effectivement. C'est spécial. C'est pas nana, non. Alors, c'est une super belle exposition. C'est gratuit, le Centre culturel Pointe-Julien, je vous le rappelle. Donc, c'est ouvert du jeudi au dimanche, de 13h à 17h. Donc, l'exposition est présentée jusqu'au 18 avril prochain. Donc, c'est bientôt terminé. Allez-y, c'est beau! Sinon, si vous êtes une fille et que vous aimez les foulards, les bijoux, le beau linge... Comme on dit, la faune et la flore, hein, comme on dit. La faune et la flore, moi, je dis ça, en tout cas. Et voilà. Moi, je dis ça. Eh bien, vous vous dirigez au centre-ville à la boutique ATD, puisque tout se trouve là-bas. C'est la boutique par excellence, qui est vraiment cool. Et lorsque vous êtes rendu là-bas, que vous achetez votre foulard puis votre collier, vous allez à la galerie juste à côté, parce que c'est ça que je veux. La galerie de la boutique ATD présente l'exposition Vandalisé pour jouer de l'artiste trifluvien Philippe Lafontaine. Philippe Lafontaine qui étudie à l'UQTR. Il étudie à l'UQTR et présente sa première exposition solo en région, Vandalisé pour jouer. C'est vraiment beau ce qu'il fait. C'est vraiment beau. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans ses œuvres, on va souvent trouver trois champs de profondeur parce qu'il y a trois techniques qu'il utilise. Premièrement, peinture à l'acrylique. Oui, c'est ça. Premièrement, peinture à l'acrylique. Steak, blédin, patate. Deuxièmement, pochoir à l'arrêt au sol, comme du street art. Et finalement, de la sérigraphie par-dessus pour raffiner le tout. Ce qu'il faut retenir, c'est le street art. C'est ce qui va beaucoup ressortir de ses œuvres. Moi, j'aime ça, le street art. Là. Il y a une photo dans la zone campus pour ceux qui vont se le procurer tout à l'heure. Vous allez voir un exemple dans votre face en spectacle. C'est vraiment très, très, très beau. C'est vraiment beau. Et la photo, elle est prise devant la plus grande œuvre de l'exposition. Il y a des couleurs, il y a des particularités. Et le street art, souvent, on voit ça comme grossier un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, lui va faire lui-même ses pochoirs. C'est lui qui va tracer les pochoirs qu'il va utiliser. Donc, les images qu'il utilise avec son street art sont précises. Il y a vraiment beaucoup de couleurs. Il y a quelque chose de rebelle, mais de raffiné. C'est quelqu'un qui aime beaucoup l'histoire de l'art. Donc, quand on fait le tour de l'exposition, on voit des clins d'œil au postmodernisme, à l'abstrait, mais aussi le figuratif. Là, c'est pas du tout de l'abstrait. Il y a beaucoup de figuratif, mais c'est justement dans ces différents champs de profondeur, donc dans l'acrylique à la première étape, puis aussi au street art, que ça peut venir amener un aspect assez abstrait. Finalement, l'estampe, la sérigraphie par-dessus va aller raffiner le tout puis donner une forme là, à tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que lui, en fait, Vandalisé pour jouer, donc il veut vraiment... C'est une exposition là, qui se veut pas dénonciatrice de la société. Là. Il va passer quelques messages moraux, mais comme il dit, si tu me connais pas et tu comprends pas ma subtilité, ben tu le vois pas, le message moraux. Puis c'est beau pareil. Le message moral, pardon. Et c'est beau pareil. C'est pas un but politique, c'est pas une caricature. Donc, c'est très, très beau, ses œuvres. Et lui aussi, un peu, il va utiliser des toiles qui sont dans les teintes beige. Il monte lui-même, en fait, ses toiles, parce que, bon, pour faire de la sérigraphie, je ferai pas un cours c'est de sérigraphie. C'est technique un peu, là, ouais. Tu sais, je veux dire, c'est une grosse machine qui s'écrase sur ta toile. Fait que je veux dire, si t'as un cadre, ça marche pas. Okay. Alors, c'est lui qui fait ses propres toiles. Et à certains endroits, il ne va pas peinturer le côté brun de ses toiles. Donc, on voit la couleur de la toile. Il trouve ça intéressant. Il va même jouer avec les tons de beige qui peuvent sortir de ça. Alors, Vandalisé pour jouer, c'est présenté tout le mois d'avril, donc jusqu'au 30 avril, à la boutique ATD. La boutique ATD, elle est au centre-ville, sur la rue Notre-Dame. Le temps d'une pinte, le Bailey's. Ah, ben, juste à côté. Mm-hmm. Alors, ATD, par exemple, ça l'ouvre le mercredi, donc demain, parce que c'est une fille qui travaille là-bas, qui tient sa boutique, donc elle peut bien avoir son congé. Ben, c'est ça. Puis, mettons que t'as pas le choix d'aller voir ça. Ouais. C'est ça le jeu de mots. Mathieu, là, toile, là. Toile, là! Vous êtes coquin. Hey. Vous êtes coquin. Si vous êtes plus spectacle, eh bien, j'ai quelque chose pour vous, mes chers amis, de l'improvisation. Ah. Donc, juste avant de mentionner le spectacle qu'il va y avoir ce soir, mentionnons que hier, à la Luître, les Rouges vont passer en finale et qu'ils vont affronter les Oranges la semaine prochaine. Donc, les libéraux affrontent le NPD. Ou Québec solidaire. C'est ça. Ah oui, Québec solidaire sont orange ah, aussi. Ouais. C'est ça. Ouais. On va y aller provincial. D'accord. On mélange les pommes, on mélange pas les pommes avec les poires. Avec les poires. Pas les oranges. Ouais, c'est pas grave. Okay. Des fruits, là, peu importe. Là. Bref, oui, hier, les Rouges ont remporté la victoire sur les Verts. Donc, on se rappelle que la semaine dernière, c'était les Bleus qui se sont inclinés devant les Oranges. Donc, la semaine prochaine, c'est la finale. La finale, finale, finale. Le dernier match de la saison régulière, en fait, il n'y en a pas d'autre. Le dernier match de la saison de la Luître, c'est la semaine prochaine. Avec les remises de prix, pis tout, pis tout. Ça. Avec la remise des prix, pis tout, pis tout. Surtout le pis tout, là. Le deuxième oui. Tout, là, il est là. Ouais, il est là, là. C'est ça. Ah, ouais. Alors, la semaine prochaine, lundi, 19h30, Chasse-Galerie, c'est gratis! Comme toujours! Quelque chose qui n'est pas gratuit, mais qui vaut la peine d'y aller, eh bien, c'est la LIM, la Ligue d'improvisation mauricienne. Et ce soir, c'est un match vraiment spécial, parce que c'est un match old school, oui. Donc à la manière de la LNI. Quand on dit LNI, là, c'est à la manière de ce que Robert Gravel voulait. Là. Dans les années, là. Dans les années 70, 80. Les moustaches et les gros cheveux. Alors, la Ligue d'improvisation mauricienne reçoit la Ligue d'improvisation montréalaise. Donc, il faut dire qu'à la base, les deux ligues jouent dans le style théâtral. Donc, même à la Ligue d'improvisation montréalaise, il n'y a plus de points. Okay, du tout de c'est points. Juste... Puis d'ailleurs, ce ne sont pas les improvisateurs, ce sont les acteurs. Ouh, c'est fait une C, ça, c'est fait une C pour mal. Ben, il y a beaucoup d'acteurs, d'ailleurs, qui jouent dans la Ligue d'improvisation montréalaise, dont Sophie Cadieux. OK, ah oui? Oui, et aussi... comment elle s'appelle dans Unité 9, là? La méchante, là. Et pas le bon public pour ça, t'as peur? J'y vais. Ouais, non, je sais pas. La méchante? Ouais. C'est-tu Jeanne dans Unité 9? Ça se peut. En tout cas, elle est dans oui, la ben elle, c'est elle, la tomboy là, de Unité 9. Okay. Là, amène son nom sur le bout de la langue. J'aimerais donc t'aider. Je m'haïs. Je vois donc ben pas le nom des actrices. Ben ça, c'est le nom des personnages. Ok, le nom des personnages, ben c'est Jeanne. Es-tu là? On va continuer à parler. Je cherche Jeanne. Oui, c'est quoi son nom? Ah. Attendez. L'actrice. C'est long. Là. En tout cas, c'est Jeanne d'Unité 9. Elle est vraiment bonne. Puis, bon, je ne dis pas qu'elle va être là en soir, mais dans la base, elle joue à la Ligue fausse représentation, là. Ouais, fausse représentation, mais c'est pour vous dire qu'à la Ligue d'improvisation montréalaise... C'est pas des nobody, bon. Ça part de nobody. Donc, alors, ils vont jouer ce soir contre vous ou avec vous? Là? Contre nous. Contre vous. Donc, c'est vraiment une ligue contre l'autre. Vous allez avoir des points. Et là, c'est quand on dit old school, c'est que c'est pas deux périodes, c'est trois périodes. OK. Donc, trois périodes de 30 minutes. Il va y avoir une scène centrale. Donc, finis-le la belle scène noire, là, avec la douche. Non, non, non. Alors, douche. C'est la... Mais la douche de lumière. OK, excuse-moi. Je pense qu'il y avait des douchebags dans la salle en arrière. Non, c'est pas ça, j'ai dit. OK. Tout ce qu'ils font, c'est crier big tout le temps. Oui. Excuse-nous. Mais oui. Non. Donc, il y a une scène centrale. On ressort nos vieilles bandes rouges et blanches. Il va y avoir un arbitre, Luc Mascotte. Des points, vraiment, là, qui vont être calculés. On va avoir un tableau de points là, qui va dire, ah, points côté court, côté jardin. Ah, en plus, hein? Ben oui. Oui, oui, oui. On y va, là, vraiment. Et d'ailleurs, le public va se faire donner à l'entrée une claque. Oh, et là, quand je dis, je vais pas vous donner une claque, je veux dire, je vais pas vous frapper. Une biff. Je vais vous donner ce que vos grands-parents mettent, là. Quand des chou-claques. Des chou-claques, là, des trucs en rubber. Parce que Robert Gravel dans Robert son... Gravel, excuse-moi. Robert Gravel, dans son idée de l'improvisation, c'est que le public est roi et si le public n'est pas content, il a le droit de le manifester. Ben oui. Et c'est pourquoi t'as une claque. Et quand t'es pas content de l'improvisation, quand t'es pas content de la décision de l'arbitre, évidemment, tu pitches pas ta claque. Je veux dire, tu donnes pas un élan à ta swing de claque, là. Tu fais une belle parabole. Ouais, c'est ça. T'sais, dans le fond, c'est que tu te lèves ou ta lance très gentiment. Ouais. Je le mentionne parce que je veux pas que les improvisateurs se fassent sur l'improvisation pour dire ça. Je trouve ça plat. Vous auriez pu remplacer ça par, tu sais, les petites affaires bleues qu'on met dans le coiffeur puis à l'hôpital. Là, c'est des petites affaires bleues que tu mets par-dessus tes souliers. Là. Tu sais, là, en genre de petits tissus comme les petites ouais, robes. Mais ça se serait jamais rendu. Ça vole moins. La claque, tu sais, évidemment, là, la bande n'est pas très haute, là, fait que le monde va être capable de faire preuve de jugement. Et est-ce que j'ai entendu dire que ça allait être les bandes qu'on connaît pour la Luther? La huître? Non. Non, ce serait pas ça finalement? Non, non, non. Je vais pas être ça à la base? Ben en fait, ben. À la bande? À la base. Tu parles de si on emprunte les bandes de la huître? Ouais, non. Non, non, non, mais la lime avait ses propres bandes avant, qui sont beaucoup plus hautes que celles de la huître et différentes aussi, là. Mettons, la huître est comme plus faite en carré. La nôtre est vraiment en ovale. OK. Oui, oui, nous autres, on a nos propres bandes. C'est bon. On les avait mises à l'entrepôt. Au cas où que la formule ne marcherait pas. Ben oui, c'est parce qu'on les avait quand même payées et ouais, tout. Ouais. Là, on les a, c'est nos bandes à nous. On les a mises à l'entrepôt. Je sais que, ben, en fait, pour ceux qui se demandent à quoi qu'elles ressemblent, c'est les bandes qui étaient utilisées lors de la CUI, la Coupe universitaire d'improvisation à Trois-Rivières, dans le 10-12. C'était les bandes de la LIM. Donc, c'est ça. Donc, on va avoir les bandes. Ça va être un match vraiment très entertainant. Avec Montréal, ils ont du talent. Ils sont bons, là. Et on a une belle équipe aussi à Trois-Rivières. Ben oui. Ben en fait, pour Trois-Rivières, on a Marc-André Fortin, Hélène Martin, Élodie Mongrain, Xavier Bouchard-Paquin, Alexandre Gauthier et Rémi Franqueur. Des bons noms. Des très, très bons noms. Puis pour Montréal, en fait, là, je vais vous le dire tout de suite, Mathieu Lepage, même si ça ne vous dit rien. Barbara Dufour, Brigitte Soucy, Joël Paris-Beaulieu, Nicolas Michon, Sébastien Leblanc. Sébastien Leblanc, c'est sûr que vous l'avez vu dans une pub. Mais on sait qu'il n'y aura pas Eve Landry, qui est le nom de Jeanne dans Internet, que j'ai trouvé. Eve Landry, ouais. C'est ça. Mais non, elle ne sera pas là. D'accord. Ben, elle est en train de tourner, on ne sait pas, tu sais. Peut-être. Alors, tout ça pour dire que ce soir, 20h, salle Louis-Philippe Poisson à la Maison de la Culture, c'est là que ça se passe, puis ça va être bon. Alors, match old school de la LIM, pour vrai, c'est vraiment un événement que ça s'est pas fait depuis longtemps à Trois-Rivières, et ça ne se refera pas. Wow! De sitôt! Alors, soyez là. Et arrivez tôt, parce qu'on attend beaucoup de monde. OK. Et voilà, le message est passé, Karine. Arrivez tôt. Non, c'est voilà, c'est tout. C'est tout. Parfait. C'est terminé. Traînez votre sac à linge de Frozen. Oui. Traînez votre sac à linge. C'est très important. Frozen. Hein? Oui, oui, JP. Oui, tu sais, moi, il y a des rumeurs qui disent que c'est Anna qui a fait les bandes. C'est les bandanas. Bandana. C'est. Je sais pas quoi répondre à ça, en fait. Ouais, je te prends de court. Antonio Bandana. Quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Non. OK. Alexandra Carignan, merci. Hey, ça me fait plaisir. On aurait pu partir comme ça pendant des lunes. C'est ça. Ça aurait été vraiment bon. Là. Elle aussi, elle se met la main dans la face. C'est le symbole international. Tantôt, Mathieu, il a fait un jeu de mots. Puis j'ai fait ça. Ouais. Non. Ça valait ce que ça valait. Son pesant d'or, comme on dit, de Boyard. La semaine prochaine, on se retrouve mardi à 9h pour notre chronique Le Temps de Culture. Oui. N'est-ce pas? Hey, pas vrai, je suis parti. Oui, je vais être là. Parti. Avec le vent. À la semaine prochaine. Il y a, c'est ça, dehors, il pleut. Hein? Il y a une haute pression atmosphérique. C'est pesant dehors. Pesant dehors. C'est lourd un peu, tes blagues. Oui, c'est lourd. C'est pesant dehors. Ça me donne envie de finir l'émission. Là. On va faire ça. Mais on va se quitter en musique, c'est rare qu'on fait ça. Okay. On va se quitter en musique. Donc, on termine Assemblage Rocky là-dessus. Demain, à l'émission, est-ce que tu sais ce qu'on a demain? Demain, mercredi. C'est un grand plan, là, c'est une grosse journée. OK, je vais y aller. Stéphanie Paradis sera là pour vous présenter la dernière apparition du Zone Campus qui sort aujourd'hui mardi. C'est l'avant-dernier de la session, donc soyez-y. Volume 15. Alexandre, oui, volume 9, numéro 15, je pense. Alexandrine Pichessé. Voilà. Sera là pour la crème de la crème. Exact. Et Cindy Gilbert. Oui, pour sa chronique. J'ai juste le sport bien plus qu'un jeu, mais c'est pas ça. Activez votre santé. C'est ça, merci. Voilà. On remercie Alexandre Carignan, bien sûr, encore une fois. Demain, on est en direct entre 7h30 et 9h30. On commence à 6h30, mais c'est pas en direct, hein, sachez-le. Sur C'est Fou, cet après-midi, plein de bonnes émissions. Comme toujours, le Dilcon va être là à 11h avec Denis Janvier, ensuite Rock Classique avec Alain Lefebvre entre 13h et 19h. Réanimation sera là après ça pour du métal et de l'horreur. Cifou.ca. Pour la programmation complète, Mathieu. AssemblageRocky.com. Mais en fait, je sais pas pourquoi je dis Mathieu, parce que toi, tu le sais. Moi, chers sais, auditeurs. Ouais. Mm-hmm. Message de terrain public. Oui, ça nous interrompons cette émission pour un bulletin flash spécial. Eh bien, c'était AssemblageRocky.com pour les balado-diffusions. Hein, puis les notes de l'émission, chers vous. Exactement. J'ai oublié de vous dire que dans quelques instants, dans moins d'une demi-heure, ce sera Les Malhonnêtes, l'émission d'affaires publiques avec Michael Mani et PC Falardeau. On va se quitter avec une pièce du palmarès anglophone. C'est celle de Rebecca Higgs, Loneliness sur l'album Shalala. À demain, JP. Shalala! Peux-tu faire un jeu de mots avec Shalala? T'as 3 secondes. Shalala? Faut que je fasse Shalala? Yeah! Yeah! Bravo! Je finis sur un high! Goodbye. Goodbye.